Sa grosse face, couleur de cire, emplissait convenablement son collier, lequel était une merveille, tant les poils noirs se trouvaient bien égalisés. Et, gardant un juste milieu entre l'élégance voulue par son âge et la dignité que réclamait sa profession, il approchait son pouce dans son aisselle, suivant l'usage des beaux, puis mettait son bras dans son gilet à la façon des doctrinaires. Bien qu'il eût des bottes extra vernies, il portait les tempes rasées pour se faire un front de penseur. Après quelques mots d'éviter froidement, il se retourna vers son conciliabule. Un propriétaire disait « C'est une classe d'hommes qui rêve le bouleversement de la société. Il demande l'organisation du travail, reprit un autre. Conçoit-on cela ?»« Que voulez-vous ? » fit un troisième. « Quand on voit M. Genoud donner sa main au siècle et des conservateurs eux-mêmes s'intituler progressifs, pour nous amener quoi ? La République ? Comme si elle était possible en France ?» Tous déclarèrent que la République était impossible en France. « N'importe, remarqua tout un monsieur, on s'occupe trop de la Révolution. On publie là-dessus un tas d'histoires, de livres. Sans compter, dit Martinon, qu'il y a peut-être des sujets d'études plus sérieux. » Un ministériel s'en prit au scandale du théâtre. Ainsi, par exemple, ce nouveau drame, La Reine Margot, dépasse véritablement les bornes. Où était le besoin qu'on nous parlât des Valois ? Tout cela montre la royauté sous un jour défavorable. C'est comme votre presse. Les lois de septembre, on a beau dire, sont infiniment trop douces. Moi, je voudrais des cours martiales pour bâillonner les journalistes. À la moindre insolence, traîner devant un conseil de guerre. Et allez donc. Oh, prenez garde, monsieur, prenez garde, dit un professeur. N'attaquez pas nos précieuses conquêtes de 1830. Respectons nos libertés. Il fallait décentraliser plus tôt, répartir l'excédent des villes dans les campagnes. Mais elles sont gangrenées, s'écria un catholique. Faites qu'on raffermisse la religion. Martinon s'empressa de dire. Effectivement, c'est un frein. Tout le mal gisait dans cette envie moderne de s'élever au-dessus de sa classe, d'avoir du luxe. Cependant, objecta un industriel, le luxe favorise le commerce. Aussi, j'approuve le duc de Nemours d'exiger la culotte courte à ses soirées.